السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به والتوحيد، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما مزيدا كثيرا. أما بعد، فشكر الله لأخينا وحبي لهذه الكلمات الطيبة النافعة المفيدة التي تعتبر نصحا لي هذه الأمة. Donc, merci le frère Wahbi pour cette intervention qui dont on a fait profiter, qui est à considérer comme étant un os pour la Ummah dans son ensemble. وإضافة إلى ما قال، en rajoutant ce qu'il a dit، مما يجعل الكافر فيما هو فيه من الانحراف والضلال، وهو كونه مضيفا النعمة إلى نفسه. C'est que tu verras que le kafir, après tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnés, dont il a gratifié en ce bas monde, c'est que lui, tout cela, il se l'attribue à lui-même. Il se l'attribue à lui-même. Tout ce qu'il voit qu'il a comme force et comme kuwa, lui, il dit, c'est à moi, je le mérite. Comme a dit Qarun, que cela, je n'ai obtenu que par une science que j'ai en moi. Donc les kuffars, quand tu vois ce qu'ils ont comme bien, non seulement c'est qu'Allah les prend par étapes pour les emmener vers là où il veut, comme châtiment. Il ne remercie pas. Et pire que cela, il s'attribue cette ni'ma, ce bienfait à eux-mêmes. Et ça, c'est un beb que vous allez trouver même dans Kitab Tawhid. Wa'adha min al-shirk. Celui qui accorde le bienfait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui accorde cette ni'ma à l'autre, lui, aura associé avec lui. Qu'il accorde cette ni'ma à lui-même ou à une cause qui n'est pas une cause, aurait des alikas. Wa liyaza yakullah subhanahu wa ta'ala, wiza azakana l'insan, ni'matan minna, dans le dharama sathu, la yakuluna zahaba siyatu anni. Innahu la yisun fahur. Donc lorsque Allah Azzawajal, il accorde à l'insan soulagement après un mal qu'il est touché, il dit que le bien, que le mal s'est éloigné de moi, et le voilà qui se vante. Si jamais nous lui faisons goûter une miséricorde de notre part après qu'un mal l'ait touché, il dira, cela est pour moi, je le mérite. À la personne qui ne se rend pas compte que ce qu'il obtient, ça ne vient pas de lui. Allah ja'ala fina al-kudra, yatamakkan bima nuridu. Que Allah il a mis en nous cette capacité de pouvoir faire les choses. Et cette capacité, en réalité, elle a été créée. Celui qui l'a créée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et de là, il y a un hadith sur ce bab. Hadith, كثير منكم يعرفه. Hadith عظيم. Un hadith qui est, dès qu'on l'entend en lui-même, généralement, on n'a même pas besoin de t'expliquer tant il est clair, et qui nous fait un grand rappel à tous. الحديث جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ثلاثة ممن كان قبلكم من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم. Il y avait trois hommes parmi vous dans les bani Israël, les fils d'Israël. Un qui était, comment dirais-je, pas lépreux, mais il avait une maladie de la peau. Sa peau, elle était la couleur n'était pas uniforme, il y avait des parties blanches, des parties foncées. Un qui était chauve et un qui était aveugle. Par sallallahu il al-abras malakan. Faqala lahu ayu shay ahabbu ilayk? Qala lounun hasan wajidun hasan yadhhabani ma yakzarani an-nas. Famassahu فذهب عنه كذره فوتي لونا حسنا وجدا حسنا. Donc de là l'ange lui a dit, Quelle est la chose que tu préfères avoir? Il a dit une belle peau, une belle couleur de peau. Et que je sois soulagé de cette maladie que j'ai qui répugne les gens. Les gens fuyaient de lui à cause de cela. Donc de là, l'ange le toucha. Et là, il lui fut donné une belle peau. Soumaqal al-Malak, ou Ayyumel Ahabu ilek. Quels sont les biens que tu préfères? Qala al-Ibil. Il lui a dit, quel est le bien que tu préfères? Il a dit, le chameau. Fa'utiya naqa. Il lui a donné une chamelle pleine. Qala al-Malak, barakallahu laka fiha. Donc de là, le malak a fait un doigt pour lui, qu'elle a mis ta baraka. Summa intaqal ila al-Aqra. Après, il s'est rendu auprès du chauve. Il lui a dit, Ayyu shay ahabu ilayk. Qala, hasan. Ouyazabhani, azaladi, kod kazalani annas. Donc, il lui a dit, cet ange à cet homme, quelle chose t'es préférée? Qu'est-ce que tu voudrais avoir? Il a dit, une belle chevelure. Et que je sois soulagé de cette chose qui répugne les gens. C'est-à-dire, son côté chauve. Famasahu al-Malak, fa'utiya sha'ran hasan. Donc là, l'ange l'a touché, il a une belle chevelure. Summa qala lahu, ayyul mal ahabbu ilayk? Et quels sont les biens que tu préfères? Qala al-Baqar. Donc il lui a dit, quels sont les biens que tu préfères avoir? Il lui a dit, le bovin. Donc là, fa'utiya lahu, Baqara, hamila. Il a reçu une vache qui était pleine. Et là, l'ange, il a dit, barakallahu laka fiha. Il a fait un doua que Allah lui mette. Puis ce même ange s'est rendu auprès de l'aveugle. Il lui a dit à cet ange plutôt a dit à cet homme, quelle est la chose que tu préfères avoir? Il lui a dit que Allah me rende la vue afin que je puisse voir les gens. Donne-lui, il a bien dit que Allah me rendre la vue, pas que je puisse voir les gens. Donc là, Masahul al-Malak, Farouda ili Bassar. Donc là, l'ange l'a touché, et sa vue lui est revenue. Summa qala lahu, ou ayyul mal ahabbu ilayk. Quels sont les biens que tu préfères avoir? Qala al-Ghanam. Il a dit, les ovins. Fa'utiya sha'a walida. De là, il lui a été donné une brebis pleine. Fantaja hadhani. وبرد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. Donc ensuite, chacun de ces animaux ont enfanté, et enfanté, et enfanté, ou enfanté, à tel point que l'un d'entre eux avait une vallée entière de chameaux, l'autre il avait une vallée entière de bovins, et l'autre une vallée entière d'ovins. C'est-à-dire c'est devenu riche. ثم بعد حين جاء الملك إلى الأبرص على صورتي وهيئتي. Ensuite, un temps passa et l'ange s'est rendu auprès de cet homme qui avait la maladie de la peau, sous son apparence qu'il avait lui avant, cet homme-là. Vous voyez, l'apparence que cet homme Abras avait avant, l'ange est venu sous cette apparence-là. Il a frappé à sa porte. Qala lahu, rajul miskin, ibn sabil, inqata bi al-hibal, fala balagh li al-yawm fi safari illa bila thumma bik. Donc il a dit, il a frappé à sa porte en disant, je suis un pauvre homme qui s'est perdu en voyage et qu'aujourd'hui je n'ai pas le moyen de pouvoir atteindre la destination, si ce n'est par Allah en premier lieu, ensuite par ton aide. فَقَالَ فَأَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِدًا حَسَنًا وَالْمَالَ طَيِّبًا بَعِيرًا أَتَبَلَّغْ بِهِ فِي سَفَرِي. Donc il dit cet ange à cet homme, donc je te demande par celui qui t'a donné cette belle couleur de peau, cette belle peau et tous ses biens, un chameau, afin que je puisse poursuivre mon chemin. Et de là, cet homme lui a dit, ou plutôt, l'ange lui a dit, Kani alifouk. Alam takun abras fakiran. Donc là, l'ange lui a dit à cet homme, j'ai l'impression de te connaître. N'étais-tu pas auparavant abras, c'est-à-dire cette maladie de la peau, tu étais pauvre. Et l'ange lui a dit, l'homme il lui a dit, El hukuk kasira. Kabiran. Il a dit, en fait, cet argent que tu vois là, c'est pas que l'amour, en fait. Il y a des droits dedans. Et je l'ai hérité de mes grands-parents. Donc l'ange lui a dit, In kunta kaziban, sayyirak Allah ila ma kunta alayh. Donc il lui a dit à cet homme, si jamais tu mens, alors qu'Allah te fasse redevenir tel que tu es auparavant. Thumma zahaba ila al-Aqra. Faqala lahu mis zalika, farada ali mis ma rada al-awwal. Faqala lahu, In kunta kaziban, Sadiqallahu lima kunta alayh. Ensuite, il s'est rendu auprès d'eux, du chauve. Il lui a posé la même demande qu'au premier. Et le chauve a fait la même réponse que la brasse. Donc là, l'ange lui a dit, si jamais tu mens, qu'Allah te fasse redevenir tel que tu étais auparavant. Summa intaqal ila al-a'ma. فقال له نفس الكلام دي لا ميم شوز ثم قال له الأعمى قال خذ ما شئت وأدع ما شئت فإني لا أمنعك اليوم شيئا أخذته لله فقد كنت أعمى فرد الله لي بصري. Il lui a dit à cet homme, il a dit, prends ce que tu veux et délaisse ce que tu veux. Je ne t'empêche pas de prendre une chose que Allah m'a donnée, si toi tu la prends pour Allah. Car auparavant j'étais aveugle et Allah m'a rendu la vue. Donc, serre-toi. شكر النعمة. من هنا قال الملك قال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. Donc là, l'ange lui a dit, garde tes biens. Vous avez juste été éprouvés. Que Allah t'a agréé toi, mais il s'est irrité contre tes deux compagnons. Donc, comme vous voyez le hadith en lui-même, il est wadih, que cet homme, l'arma, l'aveugle, a remercié Allah Azzawajal en étant disposé à donner de ce qu'il a reçu, sachant qu'à la base, il n'avait rien. Cela lui est venu comme ça. Donc, le minimum qu'il avait à faire comme gratitude, c'était justement de donner de ce bien, comme il a dit, l'illah. C'est pour Allah prend. Car là, il va donner quoi? Une brebis dans une vallée entière de brebis. Ça va lui enlever quoi alors qu'avant il n'avait rien du tout? Ça va rien lui enlever en réalité. Et les autres, ce n'est pas seulement ils n'ont pas voulu donner, mais en plus ils ont menti et en faisant croire que ces biens-là ils l'avaient hérité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas remis la ni'ma à Allah Azzawajal. Et comme vous voyez dans le hadith, ce arma, quand l'ange est venu le voir, quand il lui a demandé Ayushay Ahabu Ilayk, qu'est-ce qui était préférable, ça m'a l'écoute. Il a dit que Allah me rende la vue. Que Allah me rende la vue. Les autres n'ont pas dit que Allah me donne une belle peau ou que Allah me donne des cheveux. Il est le seul à avoir c'était Allah Azzawajal. Car il sait que c'est que Allah qui va lui donner cette chose-là. Donc, on va aller comme ça. Donc de là, il était mouassoir pour la suite, pour avoir son cœur ouvert, se rappeler d'où le venait la ni'ama. Naam. Donc ces ni'am, quand on les a, pour les garder, il faut remercier. Si jamais vous me remerciez, je vous rajouterai. Si jamais vous êtes ingrat, alors mon châtiment est douloureux. Et ces gens-là n'ont pas remercié. Voire pire, ils n'ont pas remercié et ils se sont fait d'orgueil et se sont attribués eux-mêmes ce bienfait. Donc là, on voit le danger de cette chose-là et ça touche. Il a babin abwab al-tawhid. Ça touche à un domaine du tawhid. Car cela amène au shirk. La ni'ma vient de qui? Vient d'Allah Azzawajal. Tu ne peux l'attribuer autre qu'à lui. Quelle que soit la ni'ma que tu reçues. Toute ni'ma que vous avez vient d'Allah Azzawajal. Donc il faut lui attribuer, il faut le remercier pour cela. Ceux qui ont assisté aux durus qu'on avait pris dans Al-Qawaid al-Arba'a, on avait pris dans la Muqaddima, le fameux dua que l'auteur il a fait. En Allah yaj'alaka min ma'niza u'tiya shakar wa zubtuliya sabar. Il a fait le dua dans lequel il a dit que je demande à Allah, après avoir donné, demandé qu'il soit de toi un de ces aouliyas et qu'il mette la baraka en toi, que tu sois de ceux qui, lorsqu'ils reçoivent, remercient, lorsqu'ils subissent, font éprouver, patientent, et lorsqu'ils commettent une faute, se repentent. Car ces trois points-là, c'est par cela qu'on obtient le bonheur en ce bas monde. نعم فأظن في هذا هذه المذاكرة فيها كفاية لأنك سبق كلام طيب donc je pense qu'on va se contenter de cela pour ma part aujourd'hui on a déjà eu un كلام suffisant auparavant فبدل قد نكتفي والحمد لله رب العالمين